Il est 8h55, François Morel, à vous. Bonjour. Après l'assassinat de Samuel Paty, les mots de Robert Badinter ce mercredi matin au micro de Léa Salamé. Dans le corps enseignant aujourd'hui, il y a ainsi des femmes et des hommes qui s'exposent pour nous, pour la République, qui tiennent bon. Les valeurs essentielles sans lesquelles la République n'existe plus. C'est un héros de la liberté, un héros tranquille, un héros anonyme, un héros comme il y en a tant. Mais qu'il soit salué, qu'on se taise, qu'on rende hommage, que l'on ne se déchire pas autour de projets de loi. La question à cet instant n'est pas là. Elle est d'abord dans le témoignage que la nation de rendre de reconnaissance à ces femmes et ces hommes qui assument une fonction si difficile et sans lequel nous ne pourrions plus continuer à espérer vivre dans la liberté. Je retiendrai tous les propos de Robert Badinter, mais ce matin particulièrement deux phrases. La première, que l'on ne se déchire pas autour de projets de loi. Et je repensais à ce passage dans le livre Yoga, quand Emmanuel Carrère évoque un pays des Balkans où le personnel politique était la cible d'attentats incessants et où l'on avait voté une loi disant « tirer sur le ministre des Finances 15 ans de prison, tirer sur le ministre de l'Intérieur 20 ans, tirer sur le grand chambellan 10 ans. Il est interdit de tirer sur le Premier ministre ». Il n'est sans doute pas utile de créer une loi en France pour notifier qu'il est interdit de décapiter un professeur d'histoire, une autre pour interdire les ignobles propos haineux des pousses au crime. Je retiendrai une autre phrase de Badinter, que l'on se taise. Que l'on se taise, le meilleur conseil, la meilleure injonction pour ne pas rajouter à la confusion, au désordre, au n'importe quoi, ne pas mêler sa voix à toutes les paroles lancées à tort et à travers quand on aurait besoin d'actes. Et de silence. Mais le silence à la radio est périlleux. Peut-être alors juste écouter la mer, le bruit des vagues, le chant du ressac, le vague à l'âme. S'imaginer sur une plage et laisser son regard se perdre jusqu'au lointain. Et le silence choisi comme marque de respect, de reconnaissance, de tristesse partagée. Et dans ce creux de la vague des valeurs républicaines, ne pas pouvoir s'empêcher de penser à tous les silences qui ont précédé, quand les hussards de la République ne trouvaient que le vide, lorsqu'ils réclamaient un peu de soutien auprès de ceux qui préféraient ne pas faire de vagues. Le silence. Le silence. Pour saluer un héros tranquille. François Morel, merci.